is my groove. Yeah, Ginger Man's groove. Of course. Nakanda, Nakanda, Sire le Kanda, Sire, easy le Kanda. Amame, Amama, Etate, Etata, Seba, Seba, Seba. Avec S, à l'élève moine, boum! Pendant mes lèvres pour la sœur. Quartier 12, Banga. You want not to you me, but we are. Only by we are.